Isidore, Thomas Sankara. Noël Isidore, Thomas Sankara. Avec le style, avec le fond, avec la forme, il s'empara, sans apparat. Le pouvoir qu'il met au départ, elle tentera, malgré les pièges qu'on lui bandira, de rendre sa dignité à l'opprimé, on le nommera. Père du Burkina, combattant, on le chantera. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Noël Isidore, Thomas Sankara. Noël Isidore, Thomas Sankara. Le militaire gère, visionnaire, révolutionnaire, révolutionnaire. J'ai plus de mots dans mon dictionnaire. Fils du peuple, pour le peuple, c'est un solidaire. Le vrai dignitaire, intègre, mais pas le sanguinaire. La veuve, l'orphelin, le pauvre, on doit au sourire. Le bonheur est à nous, par nous seuls, on peut le définir. Alors, c'est un hommage aux gens du Burkina Faso. Vous savez, j'ai pas besoin de vous rappeler les événements qui se sont produits récemment où six de nos concitoyens de la grande région de Québec sont décédés. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Burkina Faso, eh bien, Thomas Sankara est un de ses leaders qui, a plus de 30 ans, a été assassiné. Il était une sorte d'altermondialiste qui était vraiment pour... le mieux-être des Burkinabés, et évidemment, il s'est fait assassiner et il a été remplacé. Donc, je vous laisse en vous disant qu'il y a un reportage très intéressant sur Radio France Internationale. Vous savez que CKRL a des liens avec Radio France Internationale. Je vous fais écouter le début du reportage, histoire de vous donner le goût d'aller sur RFI et en savoir plus sur ce qui se passe au Burkina Faso. Cette semaine, le Burkina Faso, Ouagadougou, la capitale burkinabé, frappée de plein fouet à son tour par une attaque djihadiste qui a fait au moins 30 tués. Et puis la Côte d'Ivoire, irritée par ce mandat d'arrêt international lancé contre le président de son Assemblée nationale, Guillaume Soro, et ce, par la justice burkinabé. Mais avant d'ouvrir le débat, d'abord une mise au point et pour présenter des excuses au président Mamadou Issoufou. Dans le feu du débat, ici même la semaine dernière, un confrère a avancé que le président du Niger, je cite, « apparaît pour beaucoup comme un mauvais musulman, buvant de l'alcool et menant une vie dissolue ». Eh bien, l'entourage du président du Niger, à juste titre, qui nous a contactés, dément catégoriquement ces allégations qui ont pu heurter ou blesser. Encore une fois, toutes nos excuses au président de la République du Niger. Alors, venons-en à ce raid terroriste contre l'hôtel Splendide à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Le rappel des faits, c'est avec Sophie Roussy de TV5 Monde. L'armée sur les dents dans les rues de Ouagadougou, la capitale burkinabé, se relève lentement de l'attaque terroriste et voudrait bien savoir pourquoi et comment elle a été visée. Chaque jour, de nouvelles informations, de nouvelles arrestations, une vingtaine depuis dimanche, et un décompte macabre qui augmente, 30 morts. Une femme, une photographe franco-marocaine est décédée de ses blessures. D'autres corps restent à identifier. Devant l'hôtel Splendide, les enquêteurs collectent des informations. Les survivants aussi parlent des assaillants. Celui qui était en face de nous, en tout cas, qui chargeait son arme, il avait juste un bandeau juste à côté de lui comme ça. Et quand il chargeait, ça ne rentrait pas, il chargeait, ça ne rentrait pas. Il a essayé d'enlever ça comme ça pour pouvoir bien charger. Il parlait d'une langue arabe. Façon comme ça. Le président téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet, que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux. Ouais, puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my God, qu'on est rendu loin! Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui... À ne pas manquer sur la fabrique culturelle... C'est aussi une offre qui était unique dans le paysage, c'est-à-dire un orchestre symphonique qui joue des œuvres avec orchestre. Le club musical, c'est pas ça que ça offre. Ça offre vraiment des récitals, donc des tout petits ensembles, des solistes. Le Club musical de Québec, 125 ans et toutes ses notes. Les femmes se réunissaient déjà dans les salons pour jouer entre elles. Il y avait une culture musicale qui était très présente. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. C'est vraiment une fenêtre ouverte sur le monde.